La couleur rouge est symbole d'interdiction ou de danger, et le feu rouge, qu'il soit fixe ou clignotant, signifie une interdiction de passer ou une obligation de s'arrêter. Parfois, deux de ces feux sont assemblés et clignotent en synchronisme ou en alternance. Le panneau placé sous le feu renforce, s'il en est besoin, son sens rouge clignotant, arrêt absolu. Je suis arrêté au niveau d'une voie de tramway traversant la route, et même si ce tramway est arrêté pour l'instant, je dois attendre. Il va repartir et un autre peut arriver dans l'autre sens, masqué par le tramway arrêté. Réponse B.